Vous écoutez France Culture. Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Sixième épisode. Odeur du temps, brin de bruyère. Lors de sa rencontre avec Élodie Gorde, Mathilde a découvert la raison de la dispute entre Benjamin Gorde, alias Biscotte, et l'Esquimau, avant qu'ils se réconcilient devant les barbelés de Bingo Crépuscule. Cela ne l'a pas aidé à savoir si, oui ou non, l'Esquimau s'en est sorti vivant. Le jour même où elle devait repartir dans les Landes avec Sylvain, Pierre-Marie Rouvière lui a annoncé qu'il avait retrouvé le cimetière où étaient enterrés Manèche et les quatre autres soldats condamnés avec lui. L'été 1914 restera toujours pour Mathilde celui des premiers baisers. Attention à la vague ! J'ai vu la tasse ! C'était ton baptême de l'océan ! Hé, on y retourne ! Hé, mon cheval ! Mathilde avait bien grandi depuis l'année de sa rencontre avec Manèche. Désormais, Manèche n'arrivait plus à remonter les dunes en la portant sur son dos d'une seule traite après le bain. Il s'en voulait de devoir s'arrêter pour la déposer sur le sable et reprendre haleine. Ça va ? Ouais. Juste une minute et on repart. C'est là, au cours d'une halte forcée durant l'été 14, à quelques jours de la guerre, que Mathilde, voulant l'embrasser sur la joue pour le réconforter, laissa glisser ses lèvres sur sa bouche. Ça va mieux ? Oui. Le père de Manèche était trop vieux pour la guerre, celui de Mathilde aussi. Personne ne pouvait croire qu'elle durerait assez longtemps pour que Manèche, qui venait d'avoir 17 ans, dût un jour y aller. Et celui-là, c'est quoi ? Ça, c'est le nœud de vache. Bien. Mmh. Bon, à toi maintenant. Fais-moi un nœud d'écoute. Bon. Tu passes ici. Non, pas comme ça. Attends. Là, c'est un nœud de bouline que tu es en train de faire. Attends, regarde. Voilà. Oh là là là. Mais comment tu veux que je m'y retrouve avec tous vos nœuds de bouline, d'écoute, d'anguille, de cul de porc? Bon. L'important, c'est que ça tienne, non ? Regarde. Et tu pourrais pas être une femme de pêcheur, toi. Ah bon ? Ah, tu crois ça ? Eh ben, chiche. Regarde bien. Ce n'est que dans les premiers jours d'avril 1916, lorsque Manèche venait d'apprendre que sa classe était appelée sous les drapeaux, qu'ils se libérèrent des simulacres d'une amitié enfantine déjà bien frelatée. Ça me rate toujours, hein ? Oui. Jamais tu ne me quitteras. Non. Même quand tu seras loin là-bas. Même la guerre ne pourra pas nous séparer. Non. Manèche ? Oui, Mathie. Je t'attendrai. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Et quand tu reviendras... On se mariera. Que je brûle en enfer si je te mens. Mathie. Oh, ma Mathie. Manèche était enterré au cimetière militaire d'Erdelin, près de Péronne, dans la Somme. Quand Mathilde s'est enfin décidée à s'y rendre, à l'automne 1920, Pierre-Marie Rouvière a tenu à la conduire lui-même depuis Paris, dans sa Delage, toute neuve. La tombe de Manèche était surmontée d'une croix blanche, semblable à toutes les autres. Dessus était inscrit son âge, 19 ans, et la cause de sa mort. J'ai trouvé. Il est là. Jean Etcheverry, tué à l'ennemi. sans tout cela, regarde. Kléber Bouquet, Ange Bassignano, Benoît Notre-Dame. Sa croix, lui, s'est fêlée en tombant. Le vent, sans doute. Je vais aller le signaler au gardien. ans. Dire que je suis plus vieille que lui maintenant. Ma petite Mathilde, je sais que c'est dur, mais... Vous croyez que l'on pourrait faire transférer le cercueil au cimetière de Cap-Breton? Je n'en sais rien. Je suppose, oui. Les démarches risquent de prendre un peu de temps, mais on devrait pouvoir y arriver. Je me renseignerai si tu y tiens vraiment. Non. Oubliez ce que j'ai dit. Ne faites rien. Il faut que je réfléchisse. En attendant, allez plutôt voir si on peut trouver un vase quelque part pour mettre cette bruyère. Oui, bien sûr, Mathilde. Je reviens tout de suite. Tu vois, Manège, je suis toujours aussi têtue qu'avant. J'ai fini par te retrouver. Mais quand même, tu es contrariant. Tu ne crois pas qu'on serait bien mieux dans les Landes qu'ici? Je suis allée voir tes parents avant de venir. Ils vont bien. Ta mère m'a fait un œuf battu dans du lait comme autrefois. Quand il a entendu qu'on parlait de toi, Kiki s'est levé en remuant la queue et est sorti dans le jardin pour te chercher. Il faut que je te dise. Je crois que je tiens le fil. J'ai envoyé un détective sur la piste de Célestin Pou. Et aussi sur celle de Tina Lombardi, l'amoureuse de droit commun. Parce que je reste sur l'idée qu'un de vous cinq au moins n'est pas mort. La mère d'Urbain Chardolo ne peut pas m'avoir menti. Mais pour en être sûre, il faudrait que je retrouve un des soldats de Bingo Crépuscule. Et le seul nom que j'ai, c'est Célestin Pou. Voilà. C'est fait. Le gardien m'a promis de faire remplacer la croix. Merci, Sylvain. Tu as vu la tombe du Marseillais? Quoi? Elle est cassée, elle aussi? Non, regarde. Il y a une coupe de fleurs dessus, avec des perles de couleur qui forment un nom. Tina? Eh oui, je crois bien qu'on s'est fait doubler par la fille de la belle de mai. On dirait, oui. Sylvain, il y a quelque chose qui me chiffonne. Quoi? Tina Lombardi avait un code avec son Nino. Alors pourquoi pas les autres avec leurs femmes? J'ai lu et relu les lettres de l'Esquimau, de Sissou, de Benoît Notre-Dame. Je ne vois pas de code. Et même dans celle de Bassignano, je n'arrive pas à comprendre. Je suis désolé, toutes les boutiques sont vides. Il n'y a plus rien. Oubliez ça, Pierre-Marie. Après tout, à quoi bon un vase? Sylvain, oui? Ça t'embêterait d'enfouir la bruyère là, juste devant la croix? Donne. Et voilà. Je peux vous emprunter 3 ou 4 cigarettes, Pierre-Marie? Bien sûr, mais... Merci. Sylvain, tiens, mets ces cigarettes avec. On ne sait jamais. Où que Manège soit, même s'il ne fume pas, avec ça, il pourra toujours se faire des copains. Mathilde avait les mains et les pieds gelés par le vent glacé. Nous sommes allés prendre un vin chaud à l'auberge des Remparts. Tu vas voir, ce que je nous ai commandé, ça va faire du bien. Tu te réchauffes un peu? Un peu, j'ai les mains gelées. Tenez, buvez ça. Il n'y a pas que le corps que ça vous réchauffe. Et l'âme aussi. Vous m'en direz des nouvelles. Merci. Dites-moi, monsieur. Oui, mademoiselle. Auriez-vous vu une jeune femme avec l'accent du midi passer par ici récemment? Non, il y en a bien une qui est venue dormir ici, il y a peut-être 4 ou 5 mois. Elle avait la bouche plus rouge que ce vin, et les yeux cernés de noir. On aurait dit qu'elle se prenait pour une vedette américaine. Et elle était seule? Seule, oui. Elle buvait beaucoup. Elle fumait des petits cigares à table, et quand un client lui a demandé d'arrêter, elle l'a envoyé balader en le traitant de fancool. Vous savez ce que ça veut dire, vous? Oh non, mais je peux imaginer. En tout cas, j'étais bien content qu'elle reste qu'une nuit. Sauf qu'elle s'est fait la belle au petit matin sans me régler la note. Et vous vous souvenez de son nom? ça. Je tenais bien un registre avant, mais il est plein. Et j'ai pas encore eu le temps d'aller en racheter un. Ça ne fait rien. Je vous remercie, monsieur. Pour vous servir, mademoiselle. Alors, ce vin chaud, qu'est-ce que vous en dites? Il monte un peu à la tête, mais il réchauffe. Merci. Je vous assure, c'est la première fois que ça m'arrive. Jamais jusqu'à présent, je n'avais connu un tel échec. Vous devez tout de même bien avoir récolté quelques indices, non? Certes, certes, on m'a parlé d'elle à Toulon, à La Ciotat et à Marseille. Mais toujours du bout des lèvres. Et pour dire quoi, des fadaises? Non, je n'y peux rien, Valentina Lombardi est aussi insaisissable que si elle n'avait jamais existé. Et cette maison close sur la route de Gardanne, vous l'avez retrouvée? C'est bien là le problème. Ce monde qu'elle fréquentait serait le seul à pouvoir me dire l'essentiel. Or, ce monde ne parle pas. Vous avez rencontré sa marraine par affection, Madame Comte. Voyons, c'est vous-même qui m'aviez expressément demandé de ne pas aller l'importuner. Oui, c'est vrai. Et puis, de toute manière, je suis bien certain que je n'aurais rien appris d'elle qui puisse me servir. C'est à Sarzeau, dans un village du Morbihan, que ses traces s'arrêtent, en février de cette année. Je me suis rendu sur place, elle n'a fait qu'y passer. Là-bas, les gens se souviennent surtout de son air sombre, de sa violence mal contenue. Si je l'ai perdue là, c'est peut-être qu'elle est tout simplement morte. Et après tout, je ne vais pas m'en attrister. Pourquoi dites-vous cela? Vous savez, mademoiselle Mathilde, d'habitude, quand je fais une enquête, j'ai l'impression très forte de me familiariser avec la personne que je recherche. D'apprendre à la connaître presque fraternellement. Il n'en est rien avec Tina Lombardi. Aimable ou pas aimable, là n'est pas la question, monsieur Pire. Je vais vous dire mon sentiment. D'après moi, cette femme est un être noir, marquée par la malédiction des enfances meurtries. Elle a été envoûtée par le seul amour qui lui a fait croire qu'elle valait aussi bien avoir mieux que les autres. Maintenant que cet amour a été ravagé, elle est devenue infiniment cruelle et dangereuse. Dangereuse? Et pour qui? Mais pour tous ceux qui sont liés de près ou de loin à ce désastre. Croyez-moi, cher enfant, il serait plus sage d'oublier cette Tina Lombardi et de ne rien tenter désormais qui puisse exciter la bête. Et en ce qui concerne Célestin Pou? Ah, pour lui, je crains que nous devions renoncer également. Oh. Encore qu'il soit tout le contraire. À l'île de Léron, où je suis allé aussi, chacun me l'a décrit comme un garçon joyeux et débrouillard, serviable, mais terriblement fantasque. Il est reparu au pays à l'automne 1919 et il y est resté 3 mois. On lui a donné le poste d'éclusier. Au lieu dit « le doué », sur la commune de Saint-Georges. Il est reparti en janvier 1920 pour, selon lui, acheter un garage de réparation automobile quelque part en Dordogne. La Dordogne est vaste, comme vous le savez. Mon frère Ernest l'a fouillé de fond en comble sans le trouver. La dernière fois où quelqu'un l'a croisé, c'était sur le bac qui le ramenait au continent. Il avait un sac de marin sur une épaule, une bourriche d'huîtres sur l'autre. Il a dit que les huîtres étaient pour un fou qui avait parié avec lui sa moto d'en manger 20 douzaines. Alors, pas de Célestin Pou non plus. Je suis désolé, mademoiselle. Avec tout ça, j'ose à peine vous demander de rembourser mes frais. Et tout de même, je vous ai fait une note détaillée par conscience professionnelle. Vous la trouverez dans cette enveloppe. Croyez bien que je l'ai faite plus honnête pour vous que pour moi. D'ailleurs, vous verrez qu'il ne s'y trouve que des chambres d'hôtel modestes, des transports en troisième classe et rien d'autre. Mon père vous fera parvenir le règlement dans les prochains jours. Merci, mademoiselle. Et si le temps ou le hasard me permet de découvrir quelque chose de nouveau qui vaille la peine que je vous dérange, soyez assurés que je n'y manquerai pas. Merci, monsieur Pierre. Au revoir, mademoiselle. Au plaisir. L'année 1922 fut marquée par une série de deuils. Les parents de Manèche moururent à 3 semaines d'intervalle, dans la moiteur de juin. La mère, dans son sommeil, d'une crise cardiaque. Le père, retrouvé noyé dans le lac, près de son parc à huîtres. Pour que le curé accepte son cercueil à l'église, on dit que c'était un accident. Mais la veille de sa mort, il avait laissé une enveloppe pour Mathilde. Ma petite Mathie, je n'ai plus le courage de rien. On m'avait pris la moitié de ma vie, maintenant j'ai perdu l'autre. Ma seule consolation dans tout ce malheur, c'est que grâce à toi, nous avons quand même pu voir la tombe de notre fils. Toutes les affaires de Manège sont en ordre. Je te les laisse. Je n'ai pas le courage de tuer le chien, alors je te demande de le recueillir. Il te connaît. Il aura moins de misère. Je t'embrasse comme ma fille. Etcheverry Ambroise. Malgré toute l'affection que Mathilde lui porta, Kiki se laissa mourir en quelques mois. L'année 1923 ne commença pas mieux. C'est une lettre de Marseille, en février, qui apprit à Mathilde la mort de Madame Roberto Comte. Sa fidèle amie, Madame Isola, lui écrivit qu'elle s'était éteinte sans souffrir, le cœur usé. Elle n'avait pas revu sa filleule. Mathilde refusait obstinément de se laisser ensevelir par le chagrin. Grâce au tout nouveau poste TSF que lui avait offert son père pour son anniversaire, elle suivait au jour le jour depuis sa chambre à Cap-Breton les actualités tumultueuses du pays. En janvier, une jeune anarchiste du nom de Germaine Berton assassina un ponte de l'Action française. En mars, la parution du Diable au corps du tout jeune Raymond Radiguet suscita un énorme scandale. En mai, c'est Chenard et Walker qui remportèrent la première course des 24 heures du Mans. Mais ce qui continuait à la passionner plus que tout, c'était les dernières nouveautés musicales qui enfiévraient la capitale. Maintenant, en exclusivité pour les auditeurs de Radiola, en direct de nos studios, Miss Tinguette va interpréter « Mon homme », une chanson écrite par Albert Wilmets, mise en musique par Maurice Yvain. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur. En octobre 1923, Mathilde préféra se rendre directement à Paris pour assister à la première du ballet de Darius Milhaud, La création du monde, au Théâtre des Champs-Élysées. Elle profita de ce séjour pour faire publier une nouvelle fois son annonce dans L'Illustration, La vie parisienne et les mensuels d'anciens combattants. Elle raya simplement les noms de Benjamin Gordes et d'Urbain Chardolo au seul profit de Célestin Pou. Célestin Pou, comme un pou, P-O-U. Comme des pou, P-O-U-X. La pêche se révéla encore plus maigre que la première fois. Quatre lettres seulement répondirent à l'appel, dont deux pour revendiquer la paternité du surnom Bingo Crépuscule. La première émanait du caporal Boisseau de la Coloniale, la deuxième était seulement signée Un soldat de Mangin. Mademoiselle, je suis de ceux qui ont pris la tranchée aux Allemands en octobre 1916. J'ai trouvé dans un abri déserté à la hâte une peinture sur bois dont le verso constituait une excellente surface pour une pancarte. C'est là que j'ai fait inscrire le nom de Bingo Crépuscule. En fait, c'est Bing O Crépuscule, en trois mots. C'est moi-même qui l'ai tracé de mes mains, à la peinture noire et en lettres bâton, au dos d'un vieux tableau qui se trouvait là. La troisième lettre, d'une concision étonnante, était anonyme. Mais l'écriture tremblante et la couleur rosâtre du papier laissèrent supposer à Mathilde qu'il s'agissait d'une dame d'un certain âge. Mademoiselle, Célestin Pou est mort au chemin des Dames en avril 1917. Je l'ai bien connu. C'est plus la peine de dépenser votre argent. La dernière lettre, plus surprenante encore, était de Petit Louis. Chère Mademoiselle Mathilde, j'ai vu dans un numéro de l'Illustration qu'un client avait oublié sur le comptoir que vous étiez toujours à la recherche de renseignements sur la mort de votre fiancé. Alors je vous écris pour vous dire que j'ai rencontré un ancien soldat il y a quelques semaines. C'est un gars de Terre-Neuve qui s'est installé au Québec après la guerre. Il était de passage à Paris, en touriste en quelque sorte. Enfin, je crois qu'il avait d'autres raisons d'être ici, mais il ne me les a pas dites. Toujours est-il qu'il s'appelle Nathanaël Belly, mais il préfère qu'on l'appelle Nat. Il doit avoir dans les 35 ans. Il a trouvé mes rios tellement bons qu'il a voulu me féliciter après son repas. C'est comme ça qu'on s'est mis à parler et que j'ai appris qu'il avait été sur la Somme en janvier 17. Il connaît la tranchée où Kléber est mort, ainsi que votre fiancée. D'après ce Nat Belli, qui aime le vin d'Anjou mais qui avait toute sa tête, une patrouille de Terre-Neuve dont il faisait partie est arrivée la première sur le terrain de la bataille le matin du 8 janvier 1917 parce que les Britanniques remplaçaient les nôtres dans le secteur. Il se souvient qu'il y avait de la neige épaisse où on enfonçait jusqu'au mollet et ils ont trouvé 5 soldats français morts et dispersés partout. Alors ils ont rassemblé les corps dans un grand trou. Ils les ont recouverts sous une bâche et ils ont pelleté en vitesse pour les recouvrir parce que ça recommençait à chier des marmites. Leurs numéros de régiment et leurs insignes avaient été arrachés, probablement par les Boches pour ramener des souvenirs chez eux. Mais ils avaient encore leur plaque avec leur nom et le chef de patrouille les a notés au cas où. Nat se souvient seulement du nom de Kléber parce que « bouquet » était un des mots qu'il connaissait en français. Ce qui se rappelle aussi, c'est que l'un des 5 était très jeune, dans les 20 ans, avec des cheveux bruns et un corps assez grand et mince. C'est pour ça que je pense que c'était peut-être votre malheureux fiancé. Je ne voudrais pas raviver votre peine, mademoiselle, mais je crois que ce que vous voulez avant tout, c'est savoir. Alors voilà, je voulais vous le dire. J'espère que cette lettre ne vous rendra pas plus triste que vous n'êtes déjà. J'espère aussi que vous allez bien, vous et votre famille. Si jamais vous voulez repasser un jour chez Petit Louis, rue Amelot, sachez que vous y serez reçu avec toute l'amitié que l'Esquimau m'a laissée en jachère. Petit Louis. Cette lettre ne rendit pas Mathilde plus triste qu'elle ne l'était depuis la mort de Manèche. Pierre-Marie Rouvière, presque 4 ans auparavant, lui avait déjà dit que les 5 condamnés avaient été sommairement enterrés par des Britanniques avant d'avoir leur cercueil et leur croix blanche à Erdelin. Pourtant, les termes rapportés par Petit Louis la plongèrent dans un trouble nouveau. Et ils ont trouvé 5 soldats français morts et dispersés partout. Alors ils ont rassemblé les corps dans un grand trou. Ils les ont recouverts sous une bâche et ils ont pelleté en vitesse pour les recouvrir. C'est pour ça que je pense que c'était peut-être votre malheureux fiancé. Peut-être votre malheureux fiancé. Pendant plusieurs nuits, elle resta prisonnière d'une vision de carnage. C'est à l'été 1924 que le bout du tunnel apparut enfin. Mathilde se trouvait sur la terrasse à l'ouest de la villa. Il restait donc tranquille un peu, pour me faire plaisir. Elle essayait péniblement de dessiner les 5 chatons que venait de mettre au monde Piprade, la fille d'Espelette, quand elle entendit venir au loin une moto lancée à toute allure. Sylvain ? Je vais voir. Bonjour, vous cherchez quelque chose ? Dieu, c'est lui. Céleste Impou. Merci. Et la terreur des armées s'avança à travers le jardin. Mademoiselle Mathilde Donnet ? Céleste Impou, c'est vous ? La terreur des armées. C'était Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo. Adaptation Catel Guillou. 6e épisode avec Rebecca Stella, Mathilde, Dominique Parent, Sylvain, Olivier Broche, Germain Pire, Hervé Furic, Pierre-Marie Rouvière, Thomas Agols, Célestin Pou, Didier Brice, Tilouy, Clément Laguarde, Manèche, Michel Baladi, l'aubergiste, Guy Lamarck, le père de Manèche, Jean-Yves Chilot, le speaker, Jacques Leplus, l'employé du journal, Gaël Zax, le caporal Boisseau, Charles Clément, le soldat de Mangin, Nita Klein, la dame, et bien d'autres. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zande. Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël. À demain.